On peut sur un décor changer les personnages et se donner un rôle tout à son avantage. Il y a mille façons de ressentir sa vie. Certains sont malheureux quand d'autres sont ravis. Tout dépend des acteurs et puis des projecteurs qui peuvent à leur gré illuminer le cœur. Nous sommes des magiciens et même avec un rien, là où d'autres sont mal, nous nous sentons.